Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Tenny. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Tenny. C'est maintenant sur Skyrock. C'est parti. Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, ça marche. C'est jour férié, donc ça y va toujours tranquillement les jours fériés. Tranquille. Et pourtant, on est en direct, 19h53. Tenny, comment ça va? Ça va et toi, Fred? En pleine forme? Comme d'hab. Tu sais qu'on va se quitter ce soir. Mais oui, je suis trop triste. Moi c'est aussi. Passé super vite quand même. J'ai pensé à ça ce matin et toute la journée. J'étais traîné une espèce de spleen toute la journée. Ah, pareil pour moi. J'étais là en train de me dire, après toutes les autres radios vont se l'arracher et tout, machin. Ouais. Je suis comme ça, moi, je suis un sentimental, tu sais. Tu as remarqué? Moi aussi, tu as pu remarquer cette semaine. Tu as pu remarquer la classe sentimentale incarnée. Ah oui, j'ai vu ça. Mais bon. Ça va, on est un peu pareil. Et bah, tout va bien. T'as remarqué toi aussi? Oui, non, je bats. Que je rougissais et tout. Ouais, moi, je suis tout rouge d'ailleurs ce soir. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc rouge ce soir. Je sais pas si c'est le jour férié qui me fait ça, ça me met dans un état pas possible. Non, pourtant, j'ai pas attaqué le rhum encore. C'est pour tout à l'heure, pour la nocturne. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Tenny. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour cette dernière? Alors pour cette Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir jusqu'à 21h? Bah déjà, il y a du live de prévu. Ça, c'est pas mal. C'est bien. C'est une bonne idée. Et je termine. J'aimerais terminer l'émission. J'aimerais terminer cette aventure de la semaine avec un live d'une chanson qui me tient particulièrement à cœur. Donc, plus jamais. Plus jamais. Quelque chose. Ouais, plus jamais. Mais j'espère que tu vas la diffuser aujourd'hui, plus jamais. Bah pourquoi pas? Ouais, j'aimerais bien qu'on. Hein, vous avez envie d'entendre plus jamais la version album, non, quand même? Version album, ça sera sur Ying Yang. Ça sera sur Ying Yang. Qui sortira le 10 juillet, on le a la date. Le 10 juillet. Ça y est. Tenny, et puis d'ici là, vous avez aussi le EP qui est dispo depuis lundi. C'est ça. On peut le télécharger légalement pour l'avoir tout de suite, hein, même si les magasins sont fermés, pas de problème. Vous cliquez, vous avez Tenny à la maison. Exactement. Pour le week-end. Donc voilà, j'ai un live de plus jamais prévu. J'ai un petit live aussi. En milieu de l'émission, hein, tu me dis quand t'as envie de m'entendre chanter. Tout le temps. Donc voilà, c'est trop mignon. Et aussi, je vous ai amené. Ah. Mes producteurs, mes frères. Alors il y a mon petit frère Tony qui est là. Why Not The Martian, il s'appelle. Qui ça est va à l'origine de Mal. Bah, c'est lui qui a fait la prod de Mal. Et c'est ton frangin. C'est mon petit c'est frère. C'est ton petit frère. Ouais. Donc c'est une affaire de famille en fait aussi, la musique chez Exactement. Vous. Exactement. Hein. Ça va bien? Ça va. Ça va un peu intimidé? Il est un peu beaucoup timide. Pas comme toi. Mais Ou alors t'as travaillé dessus? J'ai beaucoup travaillé sur moi. Je travaille sur moi tous les jours. Donc c'est quel rapport t'as avant tout avec ton frère? Donc un rapport aussi fort, fraternel? Bah déjà, on a un rapport fraternel très très fort. On a vraiment, on a grandi ensemble. Ouais, vous avez grandi ensemble? Ah oui, on a... Donc il a les dossiers, t'as les dossiers sur la frangine, tu vas pouvoir sortir des trucs. Il dira rien parce qu'il sait que je mets des grosses pressions. Des gros coups. Donc t'as tout quoi, très bien, c'est très bien de t'avoir. Voilà, donc il a produit Mal et il y a Julio qui est à l'origine. Qui était là toute la semaine aussi, qu'on a pu voir d'ailleurs. Toute la semaine. Ceux qui suivent les images et même encore ce soir sur Skyrock FM ont pu voir un gars avec des lunettes de soleil dans le fond en train de superviser Tenny. Exactement. Donc Julio qui a fait Action Vérité, qui a fait Le Temps, qui a fait Plus Jamais, qui a fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, mais il a fait, je crois, un tellement. Peu 80%. Mais Julio, c'est vraiment mon. C'est mon binôme. C'est mon binôme créatif, quoi. Eh bien, bienvenue, Julio, ça va? Merci de nous recevoir. Eh bien, bienvenue, toi aussi, tu vas pouvoir nous sortir les dossiers ce soir avant 21h. C'est pour toi, conclure. Tu veux trop des dossiers c'est sur pour moi. Conclure en beauté Action Vérité, c'est moi ce soir, hein? Ouais. Non, c'est moi qui pose l'Action Vérité ou c'est toi? C'est je me toi. Mais tu sais quoi, je vais être gentil. Et je vais te donner le droit de me poser une Action Vérité ce soir. On fera ça en fin d'émission. Mais tu sais quoi, ce sera l'Action Vérité des auditeurs et auditrices. Balancez-les avec le hashtag Tenny sur Skyrock. Hashtag Tenny sur Skyrock. Tous vos messages pour Tenny. Juste avant de débuter ce Planet Rap, même s'il a commencé avec le morceau Action Vérité, on va se rappeler, on a fait. Le replay de la semaine, tout ce qui a pu se passer avec toi, concentré en l'espace de quelques minutes avec toi, Tenny, ça donne ça. Planet Rap. C'était toute la semaine avec Tenny sur Skyrock. I wanna play on Skyrock tonight. Passe à l'action, Fred. Passe à l'action. Et dis-moi sur Skyrock. Passe à l'action. Tu te méfies des hommes, mais méfie-toi des femmes. Les pieux se méfient des flammes, au point d'entrer dans les ordres. Nous on finit déçus, blessés par les décès. Ma voix fait vibrer les cœurs, comme si j'envoyais des subs. D'où est-ce que tu me connais? Je ne te dois rien. Bonnet. Je ne te dois suis venu chercher la monnaie en euros ou en dollars. Donc monte le son, laisse-le résonner. Jusqu'ici tout va bien, mais laisse pas t'impressionner. Je suis venu ravir la sonnée. Hey, Planet Rap. Planet Rap. Dis-leur qu'on est des plans A, y'a pas de plan B. On verra si tes volages les ailes plombées. Il serait temps de réviser la façon de nous voir. Aujourd'hui semble le début d'une nouvelle histoire. Planet Rap, c'était toute la semaine avec Tenny dans Planet Rap. Skyrock. Sur Skyrock, sur Skyrock. Planet Rap, Planet Rap, Tenny. Yo, je suis entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. Skyrock. Hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. Planet Rap, Planet Rap. Of sun rays, I saw the light inside your eyes. Tonight, you and I were beautiful like diamonds in the sky. I too. Like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. C'était toute la semaine avec Tenny sur Skyrock. Jour passe mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. De ce parfum, c'est différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qu'il me retient. À lui, comme si j'étais. Je ne l'ai pas comme toi. Pas comme toi, comme toi. Comme toi. Comme toi, comme toi. Comme toi. Comme toi, comme toi. Comme toi. Je ne l'aime pas comme toi. L'émission rap de référence. Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Ah oui, il y a eu du beau live cette semaine. C'était cool. Et hier avec Vita, qu'on salue une fois de plus, qui est passé. Coucou ma vie, merci encore d'être venue. Donner de la force. Écoute, mais je lui fais des bisous, je pense pas qu'elle nous écoute. Mais bisous, bisous, bisous. Pourquoi ? Elle nous écoute tous les soirs ? Pourquoi tu dis ça ? Peut-être. On est premier sur Vita. Eh ouais. C'est vrai ? Ah ouais, elle écoute. Mais non, mais je me dis, tu vois, à 20h, c'est l'heure du dîner, on est à table. Et bah, raison de plus enfants. D'écouter. Ben voilà, d'écouter. Tu mets la radio, t'entends le son de Tenny, t'es bien. Ouais. Tu digères bien. Je suis sûr qu'elle nous écoute. C'est le truc idéal. Bon, on est reparti pour un nouveau Planet Rap. On vous attend aussi avec le hashtag Tenny sur Skyrock ce soir. Vous balancez vos messages. Il y aura aussi à choper tout à l'heure pour les freestylers à l'occasion de la sortie du film Pyramide, la Samsung Galaxy Tab 4. Ce sera d'ici quelques minutes. Action vérité ? Bah, ok. On attaque ? Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ? Non, c'est le morceau que je te propose pour l'instant. Ah ! Allez, c'est parti, Tenny sur Skyrock. Sur Skyrock. Action ou vérité ? Il est l'heure de faire ton choix. Prends ton temps dans Planet Rap. Le destin ne t'attendra pas. L'action est vérité. Ça en dit beaucoup sur toi. Que veux-tu savoir de moi ? Es-tu sûr de faire le droit ? Passe à l'action. nous pour la gloire. Ne donne pas de faux espoirs. Besoin de lever pour y croire. Action ou vérité. C'est la dernière avant une longue série, j'en suis sûr. Tenny, l'album arrivera le 10 juillet. Action Vérité, il est déjà dispo sur le EP Mal qu'on peut trouver un peu partout. Yes. Et ce soir, on va donc forcément parler avenir. Pour parler avenir, tu es venu avec la famille, hein, j'ai envie de dire. Hein. Avec la famille. Famille directe, avec ton frangin qui est là. Mon petit frère, bourré de talent. Qui s'appelle... Rappelle-moi ton prénom, le frangin. Tony. Tony, voilà, c'est simple en plus. Mais... A.K.A. Why Not The Martian. Okay. Il s'appelle le Martien. Oui. En fait, il croit qu'il est né sur Mars et que. Ah bon. Et que voilà. Ah, je me disais, ses petits yeux cachent quelque chose, mais elle doit être bonne, hein. Hein, Tony. Ah bah il y a maman qui nous dit, on vous voit. Ah bah voilà. Bravo. Faisons un petit coucou à maman. Tiens, allez là, regarde. Un petit coucou là. Coucou maman. Allez, on fait un bisou. Gros bisous. Aux deux mamans. Tout maman, va bien. Hein. Je vous aime, ma doudoune, je t'aime, ma chérie. Vous êtes combien dans la famille? On est vraiment nombreux. C'est vrai? Ah, grosse famille. Je peux pas commencer là tout de suite à te parler. Oula. Grande famille nombreuse. Ah oui, grande famille. Déjà, nos parents, enfin nos mamans, notre maman, pardon. Bref, ils sont 40 frères et sœurs. Ah oui, ça rigole pas. Ouais. Ouais. Ils sont 40 frères et sœurs, donc déjà. Bon niveau. Déjà, on a 40 oncles et tantes, donc imagine les cousins. Tonton, tata. Imagine les cousins. En fait, et nous, on dit pas tata en fait. On dit maman. Maman. Allez, maman. C'est pour ça que j'ai dit nos mamans en fait. Nos mamans, ouais. Je parlais de toutes mes tantes, mais voilà, c'est nos mamans quoi. Donc oui, grande famille. Grande beaucoup, famille. Beaucoup dans la musique, il y a beaucoup de musiciens dans la famille. Nous pas du tout en fait. C'est hein. vrai. Je crois qu'on est vraiment des ovnis dans cette famille, moi et mon petit frère. Toi, t'as commencé, c'est quoi un peu ton parcours, toi, justement, dans la musique? J'ai commencé à 15 ans, sous ton influence, d'ailleurs. Comment t'as commencé? Non, mais vas-y, raconte, parce que je suis trop fière, hein, je suis trop fière de l'histoire. Bah, en fait, j'avais pas l'habitude d'écouter d'instrumental, en fait. J'ai pris cette habitude... Avec moi, voilà. Tu peux le dire. Hein. Et après, avec ma grande sœur, sous le coup de pression de ma grande sœur. Pas coup de pression, mais moi, j'étais étonnée. Quand il a commencé à faire des prods, j'étais vraiment étonnée. Je m'attendais. Moi, mon petit frère, il voulait être d'abord pilote, ensuite il voulait être footballeur, et tout d'un coup, il est devenu prod. Et à 15 ans, il m'a sorti une prod de folie. T'avais jamais bossé de prod, rien comme ça? Non. Il m'a sorti une prod de folie. Et depuis ce jour-là, on bosse ensemble. Il évolue vachement. Il sera sur l'album aussi. Il est présent sur l'album. Ouais. Donc il y a Mal, il a fait l'intro et l'outro de l'album aussi, que j'adore. Intro et mon outro. Ah, Fred. Terrible. Donc voilà, non, on a vachement collaboré avec Julio aussi. Vous avez collaboré à deux, ouais, et ouais, tout. Exactement. Donc voilà quoi. Et Julio que je connais. Ouais, non, mais vas-y, fais le débat, n'hésite pas, interviens. Non, mais déjà, on va se laisser se présenter. Yes. Non, Julio, ouais, toi, ton parcours dans la musique justement, avant de te retrouver aux côtés de Tenny. Ben en fait, j'ai commencé à l'âge de, on va dire, j'ai commencé à faire du son à l'âge de 18 ans, et après, je me suis retrouvé dans un studio. Et à partir de là, on a eu un ami en commun qui s'appelle Romdi, qui nous a présenté. Et dès là, on a commencé. J'avais 18 ans. C'était il y a... 5-6 ans. Il y a très longtemps. Voilà. Toujours enlevé quelques années aussi. C'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc... Et voilà, il m'a parlé d'elle. On s'est rencontrés. J'étais un peu intimidé la première fois que je l'ai vue, parce que bon, Tenny, quand on la voit, c'est un peu impressionnant. Oh, arrête un peu. C'est vrai. C'est vrai. Elle est quand même, bon, c'est une jolie femme comme tout le monde le voit. Mmh. Bah merci, voilà, mon frère. Donc j'étais un peu intimidé, après on a parlé, j'ai appris à la connaître. En fait, c'est une fille vachement simple, elle a des très bonnes valeurs. Du coup, on a vite trouvé une alchimie entre nous deux et on a commencé à bosser quoi. Voilà. Et donc pareil, fier de cette progression du parcours. Carrément, au début elle a commencé en anglais, on a fait énormément de sons avec Tony, avec Lox, on a fait énormément de sons. Tonton Lox qui est là dans le coin, on a 4-5 albums. On a fait énormément de sons. À nous quatre, on a... Ah bah là vous êtes tranquille, sur une dizaine d'années en fait, tranquille. Non, vraiment, j'ai eu la chance d'être entourée par... part de ma famille, quoi. Parce que voilà, au bout de tant d'années, ça devient de la famille. Et, enfin, mon frère qui est déjà ma famille, mais c'est mon frère. Enfin, j'ai vraiment de la chance. On va passer à un morceau qui s'appelle Plus Jamais. Je crois que c'est un morceau qui tient à cœur. C'est un morceau qui sera sur l'album Yin Yang. Oui. Qui a bossé alors dessus, sur celui-ci? Bah, Plus Jamais, c'est moi et Juju. Tous les deux? Tous les deux. Et pourquoi il tient autant? Parce que t'es arrivé, tu m'as dit il faut le mettre et je le ferai tout à l'heure en live aussi. Parce qu'en fait, c'est un morceau que je fais en live depuis le début. Depuis. Voilà. Et ce texte, il me parle. Et en ce moment, vu que je commence à être un peu amoureuse et tout, tu vois, j'ai. C'est mignon. J'ai un peu l'impression que j'ai écrit pour une raison, quoi. Hein? Allez, bon, on va l'écouter. Écoute. Allez, c'est parti, Tennis, ça figurera sur l'album qui sort le 10 juillet. Amour honnête, pas de voyou. Je me suis fait avoir, je regrette. Sans moi ça de la tête. Le reste je m'en fous. Tout moi qu'entre toi et moi, ce ne sera pas comme ces autres histoires. Déjà le cœur brisé pour une mémoire effacée. Je donnerai tout. Comment j'ai fait pour pas m'en aller? Qu'est-ce qu'il a fait pour pas que je m'en aille? Depuis ce temps est-ce toi que j'attendais? Et ce morceau qui s'appelle Plus Jamais, qui figurera donc sur l'album le 10 juillet. C'est Yin trop Yang. Ma chanson. C'est vrai. Bah c'est la mienne maintenant, hein, désormais. Je te remercie de l'avoir écrit pour moi. C'est trop mignon. J'ai reconnu deux, trois petites insinuations, merci. Eh bah écoute, ravi que ça te fasse plaisir. Ouais, écoute, ravi, hein, super. Passons à autre chose. Donc Plus Jamais, voilà les réactions. Si vous côtez, voir, il y a un magnifique morceau. Wainé, c'est Noémie Drenne qui envoie ça. T'es une bombe, Tenny Lover qui nous envoie ça. Tu es magnifique, Tenny. C'est Chantal Colline qui nous envoie ça. Continuez. Tenny, à quand un nouveau single? Ah, Fred, à quand un nouveau single sur Skyrock? Bah, bientôt, j'espère en tout cas. Ah, bah, moi aussi. Toi, t'as une préférence, t'as une petite idée, t'as une envie particulière? J'aimerais trop que Plus Jamais soit un single. J'aimerais trop. Après, Tu vas me dire tout l'album en même temps. C'est ça le problème quand on est artiste, on veut tous les 12 titres de l'album en single. Donc voilà, mais j'aimerais, j'adorerais vraiment voir vos réactions Et bah balancez avec le hashtag Tenny sur Skyrock ce soir. Tu feras un live dans quelques minutes, Tenny. Voilà. Et tu es venu avec un guitariste. Et je ferai un live de plus jamais à la fin de l'émission. Et de plus jamais, tu es venu avec un autre guitariste. Mais Hugo, celui on le connaît qui déjà. Qui est venu mardi. Voilà. Hugo, donc on le retrouvera à la guitare ce soir avant 21h. Avant de passer au freestyle, avant de mettre la pub, on met le titre de Youssoupha. Après, je vous annonce un truc pour Youssoupha. Si vous voulez écouter l'album en exclu, je vous en parle juste après le morceau Smile. Youssoupha à l'instant. Je sais pas si c'est quelqu'un que t'aimes bien, Youssoupha. J'adore Youssoupha. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à un événement organisé par ma manageuse et vraiment super gars, hein. Ah non mais vraiment super. Humainement, ah oui, rien à dire, il a été plein d'encouragement artistiquement, c'est un des rappeurs que j'aime le plus en France. Il prendra ta place, c'est dans une dizaine de jours, la semaine prochaine c'est Sneezy, après il y aura Youssoupha pour découvrir l'album sur Skyrock et l'album est en écoute exclusive ce week-end pour ceux qui sont du côté de Paris. Cool. Donc dimanche 10 au mardi 12 mai, Youssoupha par Fifou, aussi le célèbre photographe Fifou, avec 16 titres, 16 œuvres. Pour le voir, c'est à la galerie Brugier, 40 rue Volta dans le 3e métro Temple, et le dimanche les places sont réservées et sont à réserver gratuitement sur l'application de Youssoupha qu'on peut télécharger un petit peu partout. Donc voilà, une grosse dédicace à Youssoupha et son album Négritude qui arrive le 18 mai. Yes, bah moi aussi j'y serai à cet événement. C'est vrai? Bah c'est mon manager qui l'a organisé avec lui, donc. À Tira? Bah oui. Ce week-end, non? Enfin, ouais, tu seras toi? Dimanche, pas sûr, mais lundi ou mardi, je vais certainement passer, ouais. Okay. Faire un tour à cette galerie et découvrir les œuvres, plus de Fifou, qui est pareil aussi. Je sais pas si tu connais ce célèbre. Ah si, je connais. Il a failli être. Il a failli bosser avec il toi. Il a failli faire, oui. Il a failli faire la couve de mon album. Il a fait tellement de couves aussi, lui. C'est incroyable. Donc hâte de découvrir ça. Pour ceux qui peuvent, c'est de dimanche à mardi cette galerie dans le 3e arrondissement, rue Volta, à Paris. On va revenir. On attaquera. On fera le live tout de suite après la pub. Allez, oui. T'es prête? Hein? C'est quoi ça? C'est pas plus jamais. Hein, plus jamais, non, c'est pour la fin. Je vous fais. Je suis un peu amoureuse aujourd'hui. Je vais faire Stay With Me. Un peu amoureuse demain, peut-être pas, ouais, mais on va en profiter. T'es nul. Donc tu vas faire Stay With Me de Sam Smith. Sam Smith. Sam Smith. Eh bah très bien, c'est juste après la pub, bougez pas. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Tenny pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Tenny. C'est Tenny, notre invité ce soir encore jusqu'à 21h, à laquelle on retrouvera Difool et toute l'équipe sur Skyrock. Tenny. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je suis triste parce qu'on se quitte dans 30 minutes. Bah non, je peux t'accompagner ce soir, tu fais quoi? Ah, t'es vraiment nul. En plus, pour une fois que j'essaye d'être gentil, tu vois, que j'arrête de te casser et tout. Bah, et tu vois où tu vas avec? Ah, t'es nul. Hein. Bah non, mais si tu t'ennuies nul. Tellement. En fait, on est obligé d'être méchant avec toi. C'est vrai. Oh là là là là. Mais ça me plaît tellement. Le Planet Rap avec Tenny entre 20 et 21, avec ton frangin qui est là, Tony, avec Julio qui est là aussi. On va continuer à parler avec eux dans un instant. Et avec Hugo qui est à la guitare. On est premier en live juste avant la pub. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt? On est prêt. On attaque? C'est quoi? C'est la reprise de Sam Smith? De Sam Smith, je suis plein dans mes émotions aujourd'hui, donc je chante une chanson bien, bien. Eh bien, allons-y, plein d'émotions. Tenny maintenant en live sur Skyrock, c'est parti. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, won't you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. Stay with me. Hey. Why am I so emotional? No, it's not a good look, gain some self-control. Deep down I know this never worked. No, but you lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Oh darling, stay with me. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no. Tell me, baby, tell me something I need to know. Then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure and take it with the pain. And if in that moment I bite my lips, baby, in that moment you'll know it's real. There's something bigger than us, it's bliss. You make me feel like the first time. Cause if you wanna keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder. En fait, j'ai oublié de te dire que c'était un petit medley. C'est un medley avec Ariana Grande, Love Me Harder. Bravo à l'instant. Merci. Tu ris. Bravo, merci Hugo aussi. Merci Hugo. C'était beau, hein. Merci. Regarde, voix magnifique, trop beau. Continuez, Mélancolie, bonjour. Mélancolie, bonjour, t'as tout compris. Tenny, le hashtag Tenny sur Skyrock avec à l'instant ces deux reprises en version acoustique, celle de Sam Smith. Et d'Ariana Grande pour Love Me Harder, le Planet Rap. Continue, on va balancer un morceau dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra d'ailleurs comme titre? Qu'est-ce qu'on met? On sait ou pas? Et si on mettait Caramel Beurre Salé un peu? Parce que j'ai vu des petits tweets. Oui, on single. Peut-être Caramel Beurre Salé, on a trop kiffé. Ou plus jamais. Ou j'ai vu qu'on aimerait entendre Mal encore une fois. Attends, non, parce que les deux en face. À qui a dit Stan Smith? C'est moi qui ai dit Stan Smith? Sam Smith. Ah oui? Non, j'ai pas dit, parce que ça peut m'arriver des conneries comme ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Parce que non, il y a eu un message en disant ouais. Ah, c'est un des messages qui est arrivé, parce que je comprenais pas. Regarde les deux en face qui sont morts de rire. Est-ce que tu as le titre J'attends? Tu t'en fous en fait, je vous dis des trucs. Pardon. Non, absolument rien. C'est pas grave, en même temps, c'est pas très important non plus. Tu connais Est-ce que J'attends? J'attends? J'attends, j'aimerais bien qu'on écoute J'attends. Alors, ils sont tous en train de me hurler, ils me disent Femme Indé, Femme Indé, Femme Indé. Mais Femme Indé, on va le faire à la fin, avec même toi, tu vas danser avec moi. Ah ouais, bah sûr. Mais J'attends pourquoi? Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je suis en plein dans ma mélancolie. Et J'attends, c'est une jolie balade de mon album. J'aimerais trop, trop, trop qu'on puisse l'écouter. Bah si on a la décision d'en face, moi je viens, hein. La décision. Ah oui, c'est bon, on m'a dit c'est bon dans l'oreillette. Ok, on va le passer. On va le passer, mais juste avant, je te présente Ken par téléphone de Saint-Etienne. Salut Ken. Salut Ken. Yeah. Ça va bien? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme. Ok. Ken, tu es décédé. Désolé. Allô. Tu es prêt à rapper, Ken? Bah ouais, je suis chaud. En même temps, tout le monde est ralenti le vendredi comme ça, les jours fériés, ça fait très bizarre. Ouais, ça fait très bizarre. Et il y a un match ce soir, non, je pense? Bah, PSG. PSG Guingamp ce soir. Petit pronostic. Allez l'OM, allez l'OM, allez. Toi t'es supportrice de l'OM. Mais n'importe quoi, je regarde même pas le foot. Je dis ça juste pour t'embêter. C'est pour ça que tu es supportrice de l'OM. Ken, donc toi c'est plutôt supporter des Stéphanois, puisque tu viens de Saint-Etienne. Ouais, t'as compris, ouais. Donc on est bien entouré. La Samsung Galaxy Tab 4, elle est pour toi à l'occasion de la sortie du film Pyramide, qui est sorti mercredi. Mais juste avant, on va t'écouter en freestyle. C'est l'heure du freestyle par téléphone. Tu es prêt? Ouais, s'il vous plaît, ouais. Oh. Ça fait, ok, yeah, yeah. suis bloqué devant ma feuille. Un tas d'idées dans la tête, un billet de malade, mais j'ai pas l'inspi qui va avec. En ce moment, je suis vénère, bien trop de déception. Pour éponger ma peine, je prends une feuille et un crayon. La cause de tout ça, mon gars, tu vas la connaître quand tu tomberas dans les barrettes à cause de tout leur sornette. Tu sais de qui je parle de ces dames. La chose la plus dangereuse, c'est pas une arme, mais une femme. Ça commence par une parole, un regard, un sourire. Ça finit par un casse-toi, pauvre con, je te laisse moisir. Elles fonctionnent comme ça quand elles n'ont plus besoin de toi. Elles te jettent comme une merde et se ruent sur une autre toi. Il me reste 4 mesures, j'en place une pour ma maman. Elle m'a élevé, m'a tout appris, sans elle, je sais comment. Je dis pas que vous êtes des putes, juste une femme, bien c'est rare. Quand tu vois que c'est RTMCUS pour 3 pauvres dollars. Comme Aladdin 135, le rap est ma bouée. Il m'a amadoué, je n'arrive plus à m'en passer. Gratter sur du papier, pendant des heures, un siège, j'aimerais m'y destiner. Je serai en sécurité, ma feuille à 4 est plus fidèle que ces demoiselles. Certaines n'est pas vierge, mais elle seule me donne des ailes. Alors je m'enferme dans ma droite pour soulager mon esprit. Avec critique, on fait du son toute la nuit. Je concocte mes textes à base de spin et de dépression. Je ne te mets pas la pression, tu vois que tu es oppressé. Tu es pressé, petite bitch, tu veux me faire du mal. Tu veux que je t'offre un bouquet, je t'offre et faire du mal. N'essaye pas de m'attendrir avec ton beau sourire. Je connais ton petit jeu, tu peux toujours courir. Tu te dis unique, mais quelle est la différence? J'ai vite fait mon choix entre confiance et méfiance. Yeah. À l'instant, Ken en freestyle, merci à toi, Ken. Bah, de rien, merci à vous, les gars. Bravo, bravo. Tu repars avec la Samsung Galaxy Tab 4 et on remercie l'équipe de Pyramide qui nous a filé tout ça cette semaine. Le film est sorti mercredi. Et un premier but, on l'annonce de Cavani. But de Cavani au bout de 2 minutes de jeu, donc face à Guingamp. Bravo, bravo. Bravo. Ici, c'est Paris. Ah bah, toi, tu te retournes. Oh, le retournement de veste. Ah, j'en ai connu quelques-uns de retournement, mais celui-ci en l'espace d'un freestyle. Merci à toi, Ken, en tout cas. On peut te retrouver sur le net. Tu veux balancer quelques adresses où on peut te retrouver? Ouais, sur Facebook, la page c'est Scret16, S-C-R-E-T, espace 16. Et sur YouTube. Merci à toi. On te souhaite une belle soirée. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Salut, Ken, les gars. Salut. On prend pour un bonhomme, en fait. T'inquiète. Allez, tiens, je vais m'adresser vers le frangin, vers Tony. La particularité de la frangine, c'est quoi? Plutôt bonhomme ou... Ouais. Non, enfin, il a dit ça direct. Ouais, ouais. Ah ouais, t'as ressenti aucune hésitation, quoi. Ah ouais. Non, c'est... C'est bon, je te laisse t'exprimer librement, petit frère. Mais tu vas voir quand on va rentrer. Non. Bah non, là tu peux plus, attends, c'est un grand gaillard maintenant. C'est un grand garçon même. C'est un grand garçon. Bah oui, il protège et tout. C'est vrai? Bah oui. Tu te sens bien, il est bien protecteur. Oui. Mmh. Après, il doit encore grandir. C'est vrai que les filles, elles grandissent plus vite que les garçons mentalement, non? Je ne sais pas. Ouais, ça s'arrête aussi très vite, mais... mais... Je sais pas, hein, je sais pas quelle étude le prouve. Tu as des sources, t'as une étude particulière, un truc? Non, mais j'avais entendu ça, que les filles, elles prenaient plus rapidement en maturité, non? Ouais, ok. Allez, on va mettre un morceau. Un morceau qui s'appelle... C'était pour dire que mon frère, c'était à l'exception de tout ça, parce qu'à 22 ans, il est très très mature. Merci. Tu veux faire un compliment à ta soeur? Tu veux lui renvoyer l'ascenseur ou pas tout de suite? Pas tout de suite. On va mettre un morceau qui s'appelle Plus Jamais. Quoi? Non. J'attends. Plus Jamais, tu vas le faire en live dans quelques minutes. Je vais le faire en live. Là, c'est un morceau qui s'appelle J'attends. J'attends, inédit de l'album. Qui est sur l'album. Et bosser avec Paris Julio. Vous avez un souvenir en particulier de ce morceau, l'enregistrement, l'écriture? Bah déjà, alors ce morceau, j'ai collaboré avec... il a été écrit par Johan Mallory, qui est un auteur qui a écrit pour Ali MP, Jennifer aussi. Voilà, c'est un très très beau texte que j'aime beaucoup. Donc t'avais le texte? En fait, pour une fois, vraiment, j'ai été conquise par un titre qui n'était pas vraiment le mien à la base. Dans tout mon album, j'ai toujours mis ma patte. Je suis complètement investie créativement dans toutes les étapes de cet album. Et ce titre-là, en fait, Julio, il me l'a fait écouter. Il est venu, il a dit « Oh, j'ai une trop belle balade, fais écouter. » Et le truc, c'est qu'à l'époque de cette balade-là, on cherchait plus un son un peu club, up-tempo. Donc, c'était pas du tout dans l'idée d'en faire un truc pour mon projet. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur, Comme quoi, vraiment, je fonctionne au coup de cœur, moi. J'ai aucune prétention de dire « Oui, moi, je suis auteur-compositeur, j'écris tout, je compose tout. » Pas du tout. Moi, la musique, avant tout, c'est vraiment ma passion et c'est un amour. Et voilà, quand je ressens... Et tu peux très bien interpréter des textes d'autres personnes. Tant que je ressens une émotion, je le fais. Et là, c'est ce qui s'est passé sur J'attends. Donc, exclu total, voici ce morceau qui s'appelle J'attends. Ça sortira le 10 juillet, l'album Yin Yang, attendu de Tenny. On y va? Yes. On balance? Se remplir aux aurores, pas fermer l'œil de la nuit, alors mes larmes coulent encore, et mon cœur se vide dans ce décor. Paraît que la nuit tout s'oublie, mais tout revient encore. Trois shots et on se part pour de vrai. Trois clopes et c'est le monde qu'on se promet. On fait tout ce qu'on devrait. Tout est clair quand tout est flou. Trois shots et on se voit pour de vrai. Trois clopes et c'est le monde qu'on se promet. On fait tout ce qu'on devrait. Tout est clair quand tout est flou. Se remplit et déborde. Je veux noyer nos souvenirs qui restent enfouis en moi. Ma bouteille se vide et ça me dévore. J'ai le mal de vivre, je me laisse danser mon cœur. Deux, trois shots et on se part pour de vrai. Trois clopes et c'est le monde qu'on se promet. On fait tout ce qu'on devrait. Tout est clair quand tout est flou. On se part pour de vrai. Trois clopes et c'est le monde qu'on se promet. On fait tout ce qu'on devrait. Tout est clair quand tout est flou. Trois shots et on se part pour de vrai. Trois clopes et c'est le monde qu'on se promet. On fait tout ce qu'on devrait. Tout est clair quand tout est flou. Le 10 juillet dans les bacs, pour retrouver ce morceau J'attends qu'on a eu en exclu ce soir. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ça t'a plu? Je trouve que c'est un très beau morceau. Tiens, je vais rejoindre Noémie. Je suis vraiment dans... Je suis triste aujourd'hui, quoi. Je suis... Mais tu vas revenir. Ou on viendra à la maison, t'inquiète. Je te déteste. On va trouver un moment. C'est pas un problème. Le mec, il a une petite ouverture et ça y est, whoop. Ah, bah. Comment ça s'appelle les. Tu vois, t'es comme les petites souris là. C'est ouais, pas. C'est quoi c'est, comment ça s'appelle les muserennes? Musaraignes. Comme une musaraigne. Ouais. C'est une tête de musaraigne. Ah, non, musaraigne, c'est pas ça, c'est pas le même truc. Hein, c'est... Ah, merde. Non, tu me fais pas. Tu me fais dire des trucs. Muserenne. Une muserenne, non, c'est vrai. J'avais rêvé. Non. Comment? Une murenne, oh merde. Non, mais murenne, c'est un poisson. Là. Oh, j'ai pas fini, moi, de me taper la honte. Mais j'ai. Excuse-moi. Un mulot, voilà, bravo. Il y a au moins un cerveau. Il y a un cerveau dans Merci le studio, tonton, quoi, bravo. Tonton Lex qui a trouvé. Mais en tout cas, vous avez tort parce que Musaraigne, c'est en effet une petite bête et qui n'est pas dans l'eau. Je suis désolé, c'est la murène qui est dans l'eau. C'est le truc long, la murène. Bon, après ces cours de physique, chimie, géologie et tout ce que tu veux, on va revenir à l'album de Tenny. Putain, je suis en. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais mon équipe, mais c'est une équipe de bras cassés, quoi. ou de cerveau, mais toi aussi, Fab. Les deux Fab.

Je ne dis pas que vous êtes tous les mêmes, mais je me méfierai quand même de tes mots. Et si c'est de la confiance que vient la trahison et la haine, que fais-tu de nous? Je te dis qu'entre toi et moi, ça pourrait être bien plus simple que tu ne le crois. Toutes tes combines, je les connais. Si t'es pas là pour jouer, je te donnerai tout. Comment j'ai fait pour pas m'en aller? Qu'est-ce qu'il a fait pour pas que je m'en aille? Depuis ce temps, est-ce toi que j'attendais pour me délivrer de ces mailles? Magnifique pour conclure ce Planète Rap. Merci. Merci, merci à toi. Merci Tenny, à toi, merci Fred. Pour tout. Je voulais finir avec un action vérité. J'ai eu une petite idée en voyant ton t-shirt. Je me suis dit, tiens, je referais bien la photo. Mais non, tu sais ce que ça va être ton action? Dis-moi. C'est de revenir très vite ici. Oh, merci. Oh, tu me fais plaisir. Je vais te faire un bisou. Ah, je viens faire un bisou. Ah, viens, viens. Viens faire un bisou à tonton. Viens me faire un bisou. Tu me fais trop plaisir, merci. Eh ben merci à toi, c'était une super semaine. Merci à vous, merci à Julio, merci à Tony d'être passé, à tous ceux qui sont passés cette merci semaine entre 20 et 21. Gros big up à Glory, hold up, gros big up à Mega, Buzz Lab, tout le monde est là. Hein. On rappelle juste deux, trois choses, c'est que tu seras en première partie d'MP à partir du 20 mai. C'est ça. Et le 12 et 13 juin au Zénith de Paris aussi pour exactement retrouver Tenny. Qu'il y a évidemment là, si vous voulez avoir et si vous avez craqué sur Tenny cette semaine, tout de suite, il y a au moins 6 morceaux qui arrivent avec le PMAL. Il suffit de le commander maintenant. On yes y va, on clique. Et l'album qui arrivera le 10 juillet, Yin Yang. C'est exact. Merci, merci à vous tous. Merci beaucoup. Juste avant de retrouver Diffol, on fait tourner la roulette rapidement, on a le temps, allez, c'est parti. Skyrock Radio. Okay. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planet Rap 2015 et un bon d'achat de 60 euros. Skyrock. Skyrock. Avec Ghislain, Damien, ça va bien? Ça va et toi, Fred? Eh bah écoute, en pleine forme, Amiennois. T'es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Yes, yes, calme. Allez, c'est parti, dès que tu veux, tu dis stop. Dernière roulette aussi de la semaine. Ok, ok, ok. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, compile Planète Rap 2015 et 60 euros en bon d'achat, c'est yes pour toi. Yes, au calme, au calme. On te souhaite une belle soirée, un bon week-end. Bonne soirée. Yes, tu peux passer une petite dédicace? Vas-y, vas-y, vas-y, rapide, ouais. Vas-y, bah, tonton Locke, parce que c'est un gars de chez moi. Ah, ah, il est là, il était dans normal le coin. Ouais, ouais, ouais, je l'ai entendu. Et bah, tous les gars d'Amien, Boutique, Likma, mon équipe, Tamad, Sofka, Kimière... SFK, on est là, quoi, tu vois. Eh ben, merci okay à toi, en si, tout si cas. Et à bientôt, Amiens. Ciao, ciao. Salut. Merci vraiment, Tenny. Merci à vous tous. Merci, merci, merci. Gros bisous. J'aimerais faire un gros bisou, encore une fois, à toute ma Tenny Army, ma Tenny Try, ma Tenny Family, tous mes comptes Tenny News, Tenny Officiel. Vraiment, merci beaucoup à toutes ces petites personnes qui me soutiennent. Ça me fait tellement chaud au cœur. J'aimerais vous faire un gros, gros bisou et vous remercier de votre soutien et toute votre bonne énergie depuis le début, depuis le premier jour qu'Action Vérité a été mis en ligne. Je reçois que de l'amour de la part de tout le monde. Et vraiment, merci. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et j'espère vous rencontrer vraiment tous, chacun. Eh bah, ben, passe une bonne soirée. Plein de bonnes choses pour toi. Et là, c'est lui-même et ils sont là, toute l'équipe. C'est parti pour la Radio Libre de Diffoul. Eh oui, Fred, on est là, même le 8 mai. Yes. Eh ouais, on est tous là. Allez, c'est parti. C'est parti pour la Radio Libre. Une grosse bise à Tenny. Bisous, Tenny. Bisous, Diffoul. Et le retour très, très vite. Et Fred, le retour, c'est tout à l'heure. À tout minuit, à l'heure. La nocturne de Planète Rap, comme tous les vendredis. À pas louper. Même le 8 mai. Il n'y a pas de jour férié pour la nocturne. Ah, ouais, c'est clair. 2h, 100% rap français à pas louper. Et attention, 3 heures de folie à vivre ensemble dans un instant. On va démarrer avec Nathalie Larose et Jeremiah. Et on a plein de choses. Ce soir, on a Pamela et les pervers du week-end. Oui. On les a pas oubliés, mais alors, oui, elle est là, elle est belle. À tout de suite, Pamela. Et on a vous tous à retrouver aussi. Eh bien, c'est parti. Après Nathalie Larose et Jeremiah, on arrive Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock.